On continue toujours sur les délégations. Différentes délégations sont venues. Al-Bukhari, il rapporte que Imran ibn Hussein raconte, il a dit, j'ai attaché la bride de ma chamelle à la porte d'entrée, surentrée, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des gens de Bani Tamim sont venus le voir. Des gens de Bani Tamim sont venus le voir. Donc c'est de l'est de Médine, la région proche de la région de l'Yamama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je vais vous donner une bonne nouvelle au Bani Tamim. Ils ont dit, tu nous as donné la bonne nouvelle, donc donne-nous. Ils ont cru que c'est quelque chose de matériel, quelque chose d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la science. Il va leur donner des choses qui vont les emmener au paradis. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, réjouissez-vous, Bushra et Bani Tamim, au Bani Tamim. Ils ont dit, donne-nous cette bonne nouvelle. Et il l'a répété, puis il y avait des gens du Yémen. Et il a dit aux gens du Yémen, est-ce que vous êtes prêts à prendre cette bonne nouvelle si les Bani Tamim la refusent? Et puis les Bani Tamim, ils ont dit, on l'accepte. On accepte cette bonne nouvelle. Et puis, c'était la science finalement. C'était qu'il va leur apprendre des choses qui vont les rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ils ont dit, nous sommes venu te poser une question à propos de l'origine de cette chose, de cette affaire, l'origine de la création. Asl hadha al-amr, l'origine, le début de toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayra. Allah était et rien d'autre avec lui n'était. L'unique subhanahu wa ta'ala. Et son trône était sur l'eau. Pas l'eau qui est... Il y a une eau spéciale. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah dit dans sourate Hud, son trône est sur l'eau. Une eau bien spéciale. Était sur l'eau. Et il avait écrit toutes choses dans le zikr. Dans le zikr, ça veut dire dans la table gardée. Et il a créé les cieux et la terre. Il était l'unique subhanahu wa ta'ala. Rien n'était avec lui subhanahu wa ta'ala. Donc il a créé quoi? Au début, le trône. Il a créé le trône et l'eau. Et puis il a créé le qalam pour écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Il y a un hadith, il dit awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, la première chose. Ça veut dire l'une des premières choses, parce que le qalam il est précédé par le trône. Selon l'une des versions des savants. D'accord? La première chose qu'a créé Allah, c'est le qalam. Il lui a dit, écris. Il a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Il a dit, écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Tout, la goutte d'eau qui tombe du ciel, tout. Habba fi zulumat al-ard. Allah, il dit, wa indahu mafatih al-ghayb la ya'lamuha illa hu. À lui appartient les clés de l'invisible. Nul autre en dehors de lui ne les connaît. ويعلم ما في البر والبحر يكسس كليا دون لا تير اي دون لا مير وما تسقط من ورقه الا يعلمها اي ان في كي tombe d'un arbre Allah il connaît Allah سبحانه وتعالى ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس اي ان grain ou un atome dans les ténèbres de la terre Allah il la connaît سبحانه وتعالى ولا رطب ولا يابس اي soit région sec ou région mouillée ou il a fi kitab mubin, tout ça se trouve dans un livre. Toute chose, subhanallah. Tout mouvement qui se passe dans l'univers, dans les cieux et la terre, il est écrit dans la table gardée. Allah il l'a écrit. Les gens de l'enfer, les gens du paradis, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su ça, il a la connaissance, après il a su, donc la connaissance, le premier degré. Après, qu'est-ce qu'il a fait, subhanahu wa ta'ala? Il a écrit. La connaissance d'Allah, elle est de toute éternité. La connaissance d'Allah, il n'a pas été précédé par l'ignorance et il ne peut jamais être touché par l'oubli. Contrairement à la connaissance de l'être humain. وَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ بَطَنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Allah, il ne ressemble pas à ses créatures. Sa connaissance, il n'a jamais été précédé par une ignorance. Il est de toute une éternité, subhanahu wa ta'ala, connaisseur. Il a connu. Il a écrit. Oui, tout. Tout il l'a écrit, subhanahu wa ta'ala, dans la table gardée. Il l'a voulu et il l'a créé. Les quatre degrés du destin, il l'a prédestiné. Le sixième pilier de l'Iman. Awwalu ma khalaq Allah, donc le trône, l'eau et le qalam, il a écrit toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Et après ça, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a créé? Les cieux et la terre. Donc le qalam, l'écriture a eu lieu avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. 50 000 ans. Avant la création des cieux et de la terre, Allah a écrit la destinée de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. L'imam muslim, il rapporte qu'Ibn Omar, selon le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah a décrété la destinée de toutes ses créatures avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans avant. Et son trône était sur l'eau. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar, il a fait une remarque. Voilà une remarque, elle est très importante. Elle est très importante, cette remarque. Ibn Hajar al-Asqalani, c'est celui qui a fait l'explication de Bukhari. Il a dit, dans certaines versions, c'est marqué Allah était et rien d'autre n'était avec lui. Et il est maintenant là où il était. D'accord ? Cette phrase ajoutée, elle n'est pas authentique. Ibn Hajar, il dit, elle n'est pas authentique, cette phrase ajoutée. Il a dit, il a été ajouté par d'autres, par des gens. D'accord ? Et il l'a signalé, il a dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a signalé, il a fait cette remarque. Ibn Hajar, il nous réfère à Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pourquoi cette phrase ajoutée, elle n'est pas authentique ? Et qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Celui qui a ajouté ça, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est les innovateurs qui l'ont ajouté. Allah a été et rien n'était avec lui et il est maintenant là où il était. Non, on ne dit pas ça. Allah, il était, d'accord. Et après la création de la terre et des cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a fait ? Stawa al-'arsh, subhanahu wa ta'ala. Il s'est établi sur le trône, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyam. Il a créé les cieux et la terre en six jours. Thumma, après. Thumma stawa al-'arsh, subhanahu wa ta'ala. Il s'est élevé sur le trône, comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Le comment, on ne le sait pas. Mais Allah nous a informé de ça. Donc, méfiez-vous de cette phrase, parce que vous allez la trouver dans certaines feuilles des innovateurs, les ahbash et leur clique, leur groupe d'égareurs. Puis, Imran était plongé dans le sujet, quand le professeur Salim leur parlait de l'origine de la création et tout. Et puis, un homme, il appela Imran ibn Hussein, radiallahu anhu. Il appela, il a dit, ta chamelle, elle s'est échappée. Puis il est sorti pour la rattraper. Et il l'a trouvé, il a déjà dépassé l'horizon. Et il a regretté, il a dit, j'ai regretté pourquoi je ne suis pas resté avec le professeur Salim et de ne pas encore... C'est-à-dire écouter tout ce qu'il va dire. Il l'a regretté énormément. Et le hadith, son hadith, il s'arrête là. Mais pourtant, Ibn Hajar, il a dit, j'ai trouvé, il a fouillé, celui qui a fait l'explication de Bukhari, il a dit, j'ai trouvé chez Nafi' ibn Zayd al-Humayri quelque chose plus que ça, c'est-à-dire plus que ce qu'a dit Imran ibn Hussein. Une phrase ajoutée à ce hadith-là. Dans cette phrase, qu'est-ce qu'il est marqué ? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et il a créé les cieux et la terre, la suite du hadith il dit et istawa sur le trône. Thumma wastawa ba'da dhalika 'ala al-'arsh. Wastawa 'ala al-'arsh. Donc le reste de la phrase que nous a rapporté Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wastawa 'ala al-'arsh 'azza wa jal. Et istawa, c'est établi sur le trône, le puissant, le glorifié. Donc ça, concernant l'aqida bien sûr, l'unicité des noms et des attributs, il y a beaucoup de leçons à tirer des délégations, parce qu'ils viennent, ils posent des questions, soit dans l'aqida, soit dans le fiqh, soit beaucoup de choses. Et puis, Abu Hurairah radiallahu anhu, selon le hadith de Bukhari 4366 et Muslim 2525, il a dit, j'ai aimé Bani Tamim depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire sur eux trois choses. J'ai vu en eux trois choses chez Bani Tamim. ils sont les plus virulents contre le Messie Dajjal, contre l'Antéchrist. Ça, c'est premièrement. Et deuxième chose, c'est une de leurs. Une fille était esclave chez Aïcha, était Sabiya. Il a été prise durant les guerres, les batailles. Et le prophète sallam, il a dit à Aïcha, affranchis-la, car elle est de la lignée de Ismaïl. Et troisième chose, il a dit, quand le aumône parvint au prophète sallam, il dit, ce sont les aumônes de mon peuple. Donc ça, c'est le mérite de Bani Tamim. Je le dis exprès, parce que les Bani Tamim, les grands savants, sont venus de, de cette région-là, et parce que les innovateurs, ils essaient de diminuer de la valeur de Bani Tamim, et ils ont confondu certains hadiths, pas ils ont confondu involontairement, mais volontairement, quand le prophète sallam, quand les compagnons ils ont demandé, quand le prophète sallam a dit, oh Allah, Seigneur Allah, je t'implore la bénédiction sur notre Cham et notre Yémen, et ils ont dit, et notre Najd, oh envoyé d'Allah, et notre Najd. Et il a, ils ont répété trois fois. Et il a dit, là-bas, c'est là où va sortir la corne du shaitan. Et là où il y a les tremblements de terre. Et eux, ils ont extrapolé ça. Ils ont dit que Najd, c'est le Najd de l'Yamama, c'est le Najd de Bani Tamim. C'est là où sortira le grand réformateur, Cheikh Mohamed Mabdouad. C'était voulu qu'ils font ça. Ils ont dit, ils ont extrapolé les hadiths que la corne du shaitan va sortir de Najd. Ça veut dire que le Najd, c'est la région de Riyad, c'est la région de Bani Tamim. D'accord? Mais alors le Najd qu'a désigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Najd de l'Irak. Parce que le hadith de Muslim, il rapporte, An Salim, An Abdullah ibn Omar, il a dit aux gens de l'Irak, il leur a dit, vous posez beaucoup de questions sur des choses, sur des futilités, et vous commettez les choses énormes, les plus grands péchés. Et j'ai entendu mon père dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la corne du shaitan va sortir de l'Mashriq, de l'Orient, et il a désigné l'Orient et il a désigné l'Irak. Donc cette version, elle explique la version que je viens de dire. Quand il a dit, la corne du shaitan va sortir de Najd. Quel Najd? On cherche dans les autres hadiths. Dans les autres hadiths. Ce Najd-là veut dire l'Irak. Et l'histoire nous le montre. Les chiites, les rawafites sont sortis de l'Irak. Les khawarij, les haroria, ils sont sortis de l'Irak. Ilm al-kalam, la spéculation, les gens du kalam, de la philosophie, de l'Irak. L'Asha'ira, de l'Irak. Beaucoup de grandes choses, jusqu'à maintenant, les grandes catastrophes, les grands problèmes viennent de là-bas. Ce n'est pas de ni de Bani Tamim. D'accord? Donc c'est un éclaircissement de la chose. D'accord? Mettez ça dans votre tête au cas où... La délégation, parlons maintenant de la délégation de Bani Amir. Bani Amir, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont assis devant lui, puis ils commencèrent à le vanter. Ils ont dit Anta Sayyiduna wa ibn Sayyidina, tu es notre suzerain, tu es le fils de notre suzerain, tu es le meilleur être humain, tu es ça, tu es ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, dites ce que vous voulez, mais faites gaffe, faites attention que ce Satan ne vous influence pas. Parce que si vous dites ça, vous risquez de tomber dans le relou, dans le fait d'aller à l'extrême. D'accord? Comme dans un autre hadith, le prophète sallam l'a dit, « La tutaruni kama ataratin nasara al-Masih ibn Maryam » Ne me vantez pas comme les chrétiens ont vanté le Messie, fils de Marie. D'accord? Ils l'ont vanté, c'était un prophète, puis le meilleur prophète, puis le fils de Dieu, puis le troisième des trois. « Ya ahl al-kitabi, la taghlu fi dinikum » Aux gens du livre, n'allez pas dans l'extrême dans votre religion. « Innama al-Masih Isa ibn Maryam rasulullah » Le Messie, fils de Marie, est un envoyé d'Allah. C'est un esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il les a mis en garde contre ça. Mais malgré ça, des gens de la communauté, de sa communauté, ils l'ont vanté, ils lui ont attribué la connaissance de l'invisible, ils lui ont attribué des choses. Le prophète sallam, il se désavoue de ces gens-là, dans leurs poèmes et tout. « Inna min judika dunya wa darrata wa min ulumika ilmu al-lawhi wa al-qalami » Ils chantent ça dans les mosquées, subhanallah. il dit parmi tes bienfaits, c'est ici-bas et l'au-delà. Il attribue ça au prophète, et parmi tes connaissances, c'est la connaissance de la visée, de ce qui est dans la table gardée. Mais le prophète, il ne connaît pas ce qui est dans la table gardée. C'est ça le problème de le vanter. Le vanter, ça ramène vers quoi? Vers shirk, vers l'association. Dans la délégation de Amer, de Bani Amer, il y avait qui? Amer ibn Tufayl. Rappelez-vous de Amer ibn Tufayl. C'est lui qui a tué l'émissaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La tragédie de Bi'r Ma'ouna. Les 70 récitateurs du Coran qui ont été tués. Amer ibn Tufayl. Maintenant l'islam, ça y est, il s'est répandu. Et son peuple, les gens de sa tribu commencent à insister et tout pour qu'il rentre en islam. Mais malgré ça, il est venu à Médine plein d'arrogance. Il a dit, je rentre en islam. Il a dit au prophète, je rentre en islam, mais en compensation de mon entrée, tu me désignes comme ton successeur. Le prophète a dit, c'est non. Malgré, il a gardé toujours la haine et cette jahiliya dans son cœur. Et puis il a dit, il a défié le prophète, il a dit, je t'attaquerai avec les gens de Ratafan, avec 1000 cavaliers plus 1000 cavaliers, si tu ne veux pas me laisser le droit de te succéder. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah, il a dit, oh Allah, guide les Bani Amr et délivre l'islam de Amr ibn Tufayl. Et il fut atteint d'un abcès et mourut. Sur son cheval, déjà il est mort. Déjà il a voulu prendre son cheval, il a été... Allah subhanahu wa ta'ala l'a affligé, l'a frappé d'une maladie et il est mort. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4091, Imam Ahmad ibn Kathir. Maintenant, une autre délégation, c'est la délégation de Bani Abd al-Qais. Il y a beaucoup de délégations, mais je choisis les délégations, on peut tirer beaucoup de leçons. D'accord? Et Bani Abd al-Qais. Et pendant que le prophète sallam il parlait à ses compagnons, il a dit, il va venir d'ici, il a désigné un endroit, il a dit une caravane des gens qui sont parmi les meilleurs gens. Et Omar il se leva et il chercha dans la direction qu'a désigné le prophète sallam et il trouva 13 cavaliers. Ils étaient à la tête de leur délégation. Et il leur dit, vous êtes originaire d'où? Ils ont dit, nous sommes de Bani Abd al-Qais. Il a dit, c'est le commerce qui vous a fait venir? Ils ont dit non. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de vous signaler, de nous signaler votre présence, et il n'a dit que du bien sur vous. Et il les conduisait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur montra le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit, voilà votre compagnon que vous cherchez. Et là, aussitôt, tout le monde, toute la délégation, ils quittèrent leur monture et ils laissèrent leur bagage éparpillé partout. Ils coururent chez le prophète sallam et commencèrent à embrasser sa main, sauf un parmi eux. Il s'appelle Ashaj. L'Ashaj, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agenouillé leur monture, il a attaché les brides, il a arrangé leurs affaires, il a tout mis en ordre et il est venu doucement et s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui embrassa la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il y a en toi deux qualités qu'Allah aime. Deux qualités. Il a dit la clémence et la patience. Et puis il a dit deux qualités innées ou acquises. Il a dit qualité innée. Et il a dit, louange à Allah qui m'a loué de qualités que lui son envoyé aime. Radiallahu anhu. Hadith selon Mazidat al-Asri dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari. Ce n'est pas dans le Sahih, mais dans un autre livre de Bukhari qui s'appelle Adab al-Mufrad. Et les deux qualités sont évoquées dans un autre hadith rapporté par Ahmed. Et selon le hadith de Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, ils ont dit, envoyé d'Allah, nous sommes un clan de Rabi'a. Bon, c'est un clan de la grande tribu de Rabi'a. Et entre nous et toi, il y a les mécréants de Modar. Il y a toujours certaines minorités de certains clans qui n'ont pas encore rentré en islam. Et ils ont dit, on ne peut venir te voir que durant les mois sacrés. Parce que durant le mois sacré, il est respecté par les musulmans et par les mécréants aussi. On ne peut te voir que durant les mois sacrés. Apprends-nous quelque chose pour qu'on puisse avertir les nôtres. Et quelque chose de très important. C'est-à-dire, en résumé, résume-nous les choses les plus importantes. Les plus importantes. Et cette chose, la chose faut qu'elles soient importantes pour qu'on puisse la transmettre et qui nous emmène au paradis. Et le prophète sallam, il a dit, Abd al-Qais, je vais vous recommander quatre choses et je vais vous mettre en garde contre quatre choses. Je vous recommande l'iman, l'iman au billah, la foi en Allah. Connaissez-vous ce que signifie l'iman en Allah l'unique? Ils ont dit Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Il a dit l'iman au billah, c'est le témoignage, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son envoyé. Et que ce Muhammad est son envoyé. Ça, c'est le premier. Accomplir la salat. S'acquitter de la zakat. Jeûner le mois de Ramadan. Et que vous donnez le cinquième du butin. Hadith sahih. D'accord? J'ai compté combien? Cinq au lieu de quatre. On va expliquer pourquoi. Il a énuméré cinq. Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, le témoignage. Accomplir la salat. S'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner le cinquième du butin. Ibn Hajar a dit, qui explique Bukhari, parce que le hadith est dans Bukhari, a dit que le Qadi Iyad, l'un des grands savants qui se réfère souvent Ibn Hajar, rahmahullah, il a dit les quatre, à part le fait de donner le cinquième du butin, ça veut dire que la shahada, la salat, la zakat et le jeûne, c'est les quatre qu'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième, il ne rentre pas dans les quatre. D'accord? Le cinquième, il ne rentre pas dans les quatre parce que le cinquième, c'est au cas où il y a le jihad, parce qu'ils lui ont posé déjà la question, ils ont dit qu'il y a entre nous et toi les mécréants de Modar, d'une tribu de Modar. Donc quand il a dit, je vous recommande quatre choses, le shahada, la salat, le zakat, le jeûne, et puis quand il s'est rappelé qu'il risque de se confronter avec les mécréants de la tribu de Modar, il a évoqué le cinquième du butin parce que ça rentre dans le jihad. C'est une explication, d'accord? C'est l'une des explications. Et il n'a pas bien sûr signalé quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas signalé dans les piliers? Le hajj, parce qu'il n'a pas été recommandé à cette époque-là, d'accord? Le hajj n'a pas été encore obligatoire selon l'une des versions des savants. Et il qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah. Je dis ibn al-Arabi, pour que vous ne confondez pas avec ibn al-Arabi, Muhyiddin ibn al-Arabi, l'égareur. Il y a un qui fait partie des grands savants malikites, les grandes références de Ahl-Sunnah al-Jama'a, et l'autre, c'est un soufi égarant. D'accord? Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit peut-être qu'il a considéré la salat et la zakat une seule chose. Il a dit shahadat la ilaha illallah, salat et zakat, il a considéré une seule chose. Et donc ça, il reste le jeûne, il reste le cinquième du butin. Donc ça devient quatre au lieu de cinq. Parce que Allah les a liés dans beaucoup de versets du Coran. Wa aqimu salat wa atu zakat. C'est toujours lié la salat avec la zakat. Je ramène les explications. Ou bien il a dit le fait de donner le cinquième rentre dans la zakat. Donner la zakat et donner le cinquième du butin durant le jihad, puisque c'est une sadaqa, donc ça rentre. Donc ça devient shahada, salah, somme et la zakat où il y a le cinquième du butin. Donc ça c'est les explications qui sont évoquées. Et il a dit, maintenant la suite du hadith, je vous mets en garde contre, bien sûr ça implique quoi? Que l'iman est qawl wa amal. Et que l'amal, il fait partie de l'iman. Je dis bien, il fait partie. Et ne dites pas, c'est le fruit de l'iman. Ne dites pas ce terme-là. D'accord? Dites, il fait partie de l'iman. C'est une parole vraie, mais elle peut être mal exploitée. D'accord? Vous dites, il fait partie de l'imam. Et le Bukhari, il a fait sous le chapitre, le hadith là, il est sous un chapitre, donner le 1 cinquième du butin fait partie de l'imam. Amal. Donner le 1 cinquième, ça veut dire le jihad, il fait partie de l'imam. Donc on considère que l'imam, il est qawl wa amal. Qawl ul qalbi wa lisan wa amal ul qalbi wa jawar. Règle de Ahl-Sunnah al-Jama'a. Parole de la langue, le fait de réciter le Coran, propager le bien, etc. Parole du cœur, la connaissance et la véridicité, tasdiq, Et l'amal qalb, acte du cœur, l'amour, la crainte, la vénération, l'appréhension, tout ça, et acte du cœur, la salat, le zakat, le pèlerinage, le jihad, etc. Et épargner le mal, etc. Je vous mets en garde contre quatre choses, la suite du hadith. Al-Hantam, je vais l'expliquer, Al-Dubba', Al-Muzaffat, Al-Naqir. Al-Hantam, c'est un récipient vert où on mettait le vin. Il leur a mis en garde contre ça. Un récipient et où il mettait le vin. Al-Dubba', c'est la courge sèche, et vidée et utilisée comme récipient. La courge sèche. On enlève le contenu et il est utilisé comme un récipient, on met de l'eau dedans. Et Al-Dubba', c'est ça. Et le Muzaffat, c'est les vases enduits de résine de pain. Et Al-Muqayyar, ou Al-Naqir, on va l'expliquer. Donc il a mis en garde contre ça parce que c'est des récipients où il mettait le vin, où peut s'effectuer la fermentation dans ces récipients-là, et la chose peut se transformer en solution enivrante ou qui enivre la personne. Et la quatrième chose, il a dit, Al-Naqir ou Al-Muqayyar, ils ont dit, envoyé d'Allah, tu connais Al-Naqir? Ils étaient étonnés. Tu connais Al-Naqir? Il a dit oui. Il a dit, c'est un tronc d'arbre de dattier que vous perforez, et vous mettez les petites dattes dedans, et vous versez de l'eau dessus. Et vous attendez jusqu'à ce que la solution elle se repose, jusqu'à ce qu'il y ait le mélange, et vous le buvez. Jusqu'au point où l'un de vous, quand il le boit, il prend l'épée et il frappe son frère. Il frappe son frère. Ça veut dire que c'est une solution qui est... c'est divin, c'est mosquer. Regardez le professeur, comment il connaît les détails des choses. C'est des choses de la vie, et pourtant il les connaît. Je vous mets en garde contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Et c'est comme ça que doit être le savant. Il connaît les choses pour sortir sa fatwa. D'accord? Comme le professeur, il va connaître. Si quelqu'un, on va lui ramener ça, ou on va lui ramener ce naqir et tout, il va dire, oh, c'est pas, il n'a pas subi de fermentation, c'est normal, vous pouvez voir, normal. Et il va faire la fatwa sur le haram. Ouais, c'est un tronc d'arbre, on met des dattes, et on verse de l'eau dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien du tout. C'est halal, ça. Le savant doit connaître la réalité des choses, doit connaître pour les choses pour sortir sa fatwa. D'accord? Et quand il a dit ça, il a dit jusqu'à l'un de vous, il frappe le fils de son oncle par l'épée. Abu Sa'id al-Khudri avait quelqu'un qui était blessé à cause de ça. Toute sa tête est pleine de blessures. Et commençait à cacher sa tête par pudeur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ils ont dit, ça c'est, il les a commandé quatre choses, il les a mis en garde contre quatre choses. Et ils ont dit, envoyé d'Allah, il y a chez nous, il n'y a pas de récipient, donc on doit utiliser quoi alors? Il a dit l'outre en pot. L'outre en pot, qu'on noue avec un filet, tu vois, vous voyez ça dans les campagnes. Ils ont dit, envoyé d'Allah, il y a beaucoup de criquets chez nous. Et il mange cette peau. Il a dit, même s'il mange cette peau, utilisez-la. Il a répété trois fois, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on ramena au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons, il s'appelle Zari' al-Abdi. Il ramena son oncle, près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade. Il dit, envoyé d'Allah, mon oncle est malade, il est touché par le djinn. Par le djinn. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, approche-toi, il s'est approché du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a levé les mains comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, et il a frappé le dos de la personne. Il a frappé le dos de la personne, il a dit, sors ennemi d'Allah. Et la personne est devenue normale. Il n'a rien lu, sallallahu alayhi wa sallam, il a juste frappé avec la main comme ça, son dos, il a dit, sors ennemi d'Allah, okhruj adou Allah. Et la personne, les compagnons regardaient ses yeux, avant, quand il était malade, ses yeux, il tournait. C'est-à-dire, il montre le signe qu'il est, et qu'il est vraiment malade. Qu'il est touché par le djinn. Quand le prophète l'a frappé comme ça au dos, il est redevenu normal, il regardait les gens comme un être humain normal, subhanallah. Ça c'est sahih, et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Et le prophète a terminé de discuter avec Wafd ibn Abd al-Qais, puis il rentra chez Salama radiallahu anha, et avec Salama il y avait des femmes. Et puis le prophète, il rentra comme ça, il a dit salam alaykoum, Et c'était après l'Asr. Il rentra à la maison et puis il a fait Takbir l'Ihram et commença à faire la prière. Après l'Asr. Puis Umm Salama s'est étonné. Les femmes qui étaient autour de Umm Salama se sont étonnées. Et puis Umm Salama, il lui envoya une domestique. Et une fille. Et puis la fille s'est mise à côté du professeur Salama pour prier. Il a cru que le professeur Salama a oublié peut-être. Et il lui a dit, envoyé d'Allah, Umm Salama a dit, ne t'ai-je pas entendu déconseiller les gens de faire ces deux rakats? Et maintenant je te vois en train de le faire. Et le professeur Salama lui fit signe de reculer dans la prière. Il lui fit signe à la domestique de reculer. Et puis après, quand il a fini la prière, quand il a terminé la prière, il a dit, fille de Omeya, tu m'as interrogé à propos des deux rakats après l'Asr, des gens de Bani Abd al-Qais sont venus me voir et ils m'ont pris tout mon temps. Je n'ai pas réussi à faire les deux surrogatoires après Zohar. Et maintenant, je l'ai fait. D'accord. Donc, c'est pour ça, parce que toujours il fait Rawatib, mais il a été retardé par... ils l'ont occupé, les gens de Bani Abd al-Qais, beaucoup de questions et tout, donc il n'a pas eu le temps. L'heure de la prière arriva, il a fait l'Asr, et quand il est rentré chez lui, il a rattrapé ces deux rak'at qui... ça c'est pour une personne qui d'habitude il faisait Rawatib. Ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, tu fais la prière de l'Asr, et après tu fais les deux rak'at, oh, je vais suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il faut chercher pourquoi il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est autorisé de faire signe dans la salat. Il est autorisé de faire signe dans la salat. D'accord? Qui peut dans la salat, quand les gens ils disent salam alaikum, il fait le signe avec la main. Et quand tu peux dire à quelqu'un de reculer, et quand le professeur sallam une fois, quand il a fait la prière assis, il était malade, et que eux, les compagnons se sont levés, il a dit comme ça. Il donne le signe de s'asseoir. Donc c'est des signes qui n'annulent pas la prière. D'accord? Et il y a aussi le droit de parler à celui qui prie. La domestique, il a parlé au prophète, alors qu'il était en train de prier. Il se peut, par exemple, qu'il y ait quelque chose de très urgent et tout, qu'il faut le dire à ce moment-là. Tu peux le dire. La personne qui ne prie pas, il peut le dire à la personne qui prie. La preuve, c'est ça. Et que Umm Salama, radiallahu anha, il a cru que le prophète a oublié. C'est pour ça qu'il a envoyé la domestique. Ça, c'est pour répondre aux Hanafites. C'est des arguments solides, parce que eux ils disent le fait de faire un geste, ça annule la prière, parce qu'ils font le qiyas, l'analogie entre le geste et la parole. La parole, elle est interdite dans la prière, en dehors de tasbih et la... Mais le geste, il est autorisé. Il est autorisé de faire le geste. Eux, ils disent que le geste, surtout le geste qu'on peut comprendre, ils le font par analogie à la parole. Ils disent c'est une parole. Donc ça annule, puisque la parole est l'annule. Mais pourquoi ils ont fait ça en l'absence du texte? Ils n'ont pas vu ce texte-là. D'accord? Donc quand le hadith il vient, ça y est. Les conjectures ou les imaginations et tout ça n'ont aucune valeur. Ils disent juste qu'au point où bougez le doigt dans Tashahoud, ça annule la prière. Alors que le prophète sallam l'a fait, c'est un hadith d'Ibn Mas'ud. Parmi les délégations qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la délégation de Bani Hanifa. Bani Hanifa. Ils s'installèrent dans la maison de Bint al-Haris. C'est une femme qui a réservé sa maison pour les délégations. Il a dit, cette maison, ils dorment dedans et tout. Il a réservé ses... Et ils s'installèrent chez elle et ils vinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rentrèrent en islam. Tous rentrèrent en islam sauf Musaylima. Un homme qui s'appelle Musaylima, il est resté dans la maison de Bint al-Harith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de Thabit ibn Qais ibn Shammas, ils sont allés le voir. Ils sont allés voir cette personne. Musaylima, il était l'un des notables. Il était très respecté chez les Bani Hanifa. Bani Hanifa, c'est la région de Yamama, Najd al-Yamama, à l'est de Médine. Et il est allé le voir, il lui dit, Musaylima a dit au prophète sallam, si tu veux, on te laisse accomplir ton affaire à condition que tu me désignes comme ton successeur. La même chose qu'a dit Amr ibn Tufayl. Un orgueilleux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu m'avais donné, il avait un bâton. Il a dit, si tu m'avais demandé ce bâton, je ne te l'aurais pas donné. Je ne te donnerais même pas ce bâton-là. Et tu n'es que la personne que j'ai vue dans mon rêve. Tu n'es que la personne que j'ai vue dans mon rêve. Et voici Thab ibn Qays, c'est lui qui va te répondre à ma place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé, il a laissé Thab ibn Qays continuer la discussion avec lui. Hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré. Et c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le récit de ce rêve à Abu Huraira. Dans le hadith de Bukhari 4376. Il dit, pendant que je dormais, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, pendant que je dormais, j'ai vu qu'on m'a ramené les trésors de la terre et on me mis dans mes deux mains deux bracelets en or. Et je me suis senti gêné. L'or, il est interdit aux hommes. Puis on me révéla de souffler. Et j'ai soufflé sur ces deux bracelets. Et ils s'envolèrent. Les deux bracelets en or s'envolèrent. Et j'ai interprété ça par deux menteurs. Deux menteurs que je suis, et je suis entre ces deux menteurs. Ça veut dire que la région où je suis au milieu d'eux. Celui de Sana'a et celui de l'Yamama. Donc les bracelets en or, donc c'est des choses qui ne doivent pas être dans la main de l'homme. Et le bras, ça veut dire le pouvoir. Parce que ça, c'est des explications qu'a dit Ibn Hajar dans dans les chapitres qui parlent du rêve de Bukhari. D'accord. Donc, il a été gêné de voir l'or, bracelet en or, bracelet en or entourant ses mains. Il ne convient pas, et on sait que l'or, il est interdit aux hommes. D'accord. C'est comme deux menteurs qui veulent avoir le pouvoir, et les bras, c'est le pouvoir. Et il a interprété ça par deux menteurs qui vont prétendre être prophètes. L'un au Yamam, à l'autre à Sana'a. Celui du Yamam, de Bani Hanifa, c'est Musaylim al-Kazzab, Musaylim al-Menteur. Celui du Yémen, c'est qui? C'est Al-Aswad al-Unsi. Al-Aswad al-Unsi. D'accord? Et je suis au milieu d'eux. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était au milieu de l'Yamama, il est entre l'Yamama et le Yémen. Donc, Musaylima, il a été tué par qui? Abu Bakr al-Siddiq. Hein? Harub al-Ridda. Abu Bakr al-Siddiq. Et celui de Sana'a a été tué avant la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour avant la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été tué par les siens. Et quand Musaylima, il est revenu, il est retourné chez les siens, il envoyait une lettre au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, cette affaire a été partagée entre moi et toi. À moi les gens qui habitent les tentes et à toi les villageois. Nous on partage, moi et toi on partage ce message, la révélation, et on partage le pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, Inna al-arda lillah yurithu a man yasha'u min ibadihi wa al-aqibatu lil-muttaqin. Mais Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils de Abdullah, l'envoyé d'Allah, à Musaylim al-Kadzab, à Musaylim al-Menteur. Amma ba'd, et il a récité le verset, la terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin demeure, et la fin heureuse sera au pieux. Wal-aqibatu lil-muttaqin, comme dans Surat al-A'raf. L'imam Ahmed, il rapporte que quand le Prophète sallam se tourna vers les deux émissaires, parce que Musaylima, il a envoyé les deux hommes avec la lettre, et il a dit, qu'en dites-vous? Ils ont dit, nous sommes comme lui, ça veut dire qu'on est d'accord avec lui. Il a dit, ce qui m'empêche de couper vos têtes, c'est qu'il n'est pas autorisé de tuer les émissaires, sinon je vous couperai vos têtes. Ça, c'est l'histoire de Musaylima al-Kazzab. Puis va aussi la délégation des Ash'ariyens, les gens du Yémen. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est des gens de bon cœur. Il a dit, l'Iman, Yaman, et l'Hikma Yamaniya. L'Iman, la foi, ça vient du Yaman. Et la sagesse, il vient du Yaman. D'accord? Il faut bien retenir ces hadiths-là, parce qu'il y a des régions, des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complimenté. Il y a des innovateurs qui veulent toucher à la réputation de ces gens-là. Il faut se mettre en garde. Et il a dit, il les a complimentés, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari 4388. Et puis, la délégation maintenant, parlons de la délégation de Najran. Najran, c'est des chrétiens du Yémen. Vous vous rappelez, au début de la Sirah, on a parlé des chrétiens de Najran. C'est un grand pays du Yémen, 73 villes. Et rien que les combattants, leur nombre, c'est 100 000 combattants. Un grand pays du Yémen. Et le prophète sallam, il a envoyé un message. Il leur a envoyé. Il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, de ne pas adorer ses serviteurs et de prendre comme allié Allah et de ne pas prendre comme allié ses serviteurs, comme protecteur, awliya, protecteur ses serviteurs. Il leur dit, soit vous adorez Allah, vous me suivez, ou bien vous payez le jizya, le tribut. Vous gardez votre religion, mais vous payez. Sinon, si vous refusez tout ça, je vous déclare la guerre. Je vous déclare la guerre. Wassalam. Hadith rapporté par le Bayhaqi. Donc, quand la lettre elle parvint aux gens de Najran, tout Najran fut en proie à une vive agitation. Les cloches sonnèrent partout, ils allumèrent le feu partout, c'était vraiment... C'est comme une alarme. Un signal, un grand signal d'alarme. Tout le monde est tourmenté, les évêques ils sont réunis en catastrophe. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils convinrent d'envoyer une délégation à Médine. Et ils envoyèrent 70 hommes, dont 24 notables. Et de ces notables, il y a 3 de leur tête. Il y a un qui s'appelle, c'est le président de leur assemblée, il s'appelle Abdelmassir. Le deuxième, c'est le responsable des affaires culturelles et politiques, il s'appelle Ayham al-Shurahbil. Et le troisième, c'est responsable religieux, qui s'appelle Abu Haritha ibn al-Qama. Arrivé à Médine, ils discutèrent. Ils discutèrent avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les invita à embrasser l'islam, ils refusèrent. Ils lui posèrent des questions sur Isa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'attendre. Il a dit, attendez, et après je vous réponds. Demain je vous réponds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut comme révélation, Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Allah, il a créé Adam de poussière. Il ne peut pas créer Isa son père. Allah subhanahu wa ta'ala, kulli shay'in qadir. Al-haqq min rabbik, ala la vérité. Al-haqq min rabbik, fala takum min al-mumtarin. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm, faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum. Si l'on t'oppose là-dessus des arguments, après ce que tu es venu de science, dis, ou tu n'as qu'à dire, ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum, venez appelons nos fils et les vôtres, wa nisa'ana wa nisa'akum, nos femmes et vos femmes, wa anfusana wa anfusakum, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélé ça. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur récita les versets et leur laissa le temps de réfléchir. Et quand Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'ils refusèrent de confirmer ce qui est dit dans le Coran sur Isa alayhi salam, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris le Hassan ou Al-Hussein, il les portait, et Fatima était derrière lui. Il veut appliquer le verset. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. On ramène vos enfants et nos enfants. Et nos femmes, et vous ramenez vos femmes. Et nous-mêmes. Et on va faire. On va implorer la malédiction d'Allah sur le menteur. Solution, c'est une bonne solution. Quand ils ont vu le prophète prendre Hassan al-Hussein et Fatima derrière lui, ils ont vu le sérieux dont le prophète, les 3 notables de Najran, des chrétiens de Najran, ils se réunirent. Ils se réunirent entre eux, ils étaient stupéfaits par le geste du prophète. Ils ont dit, écoutez, si on se livre à l'exécration réciproque, et qu'il soit le prophète véridique, il ne va rester de cette terre de nous ni poil ni ongle. On connaît dans les livres anciens que si un prophète il ramène les gens et qu'ils invoquent que le menteur reçoit la malédiction, celui qui a tort, il subit le plus grand châtiment. Ils ont peur. Ils ont dit, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de signes qu'il est le prophète véridique. Donc qu'est-ce qu'on va faire?